France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. Cette semaine, c'est une série sur Karl Marx que nous vous proposons. Par-delà les marxismes divers, nous retournons vers son œuvre même, vers le texte. Ce matin, deuxième épisode, le concept d'idéologie. Dans le premier épisode, nous avons suivi le jeune Marx de 1841 à 1844, période d'adhésion au mouvement du jeune hegélianisme, puis de rupture. À partir de 1844, Marx ne croit plus que les idées, même progressistes, peuvent faire bouger le monde et construire peu à peu un État rationnel. Sa confiance dans l'État a disparu et les indignations des philosophes et de la presse, les échanges d'idées, lui paraissent désormais vaines et lointaines par rapport à ce qu'il appelle la praxis, c'est-à-dire la lutte concrète entre les classes sociales autour de l'appareil de production économique. Avec son ami Engels, rencontré à Paris en 1844, Marx forge alors le concept d'idéologie pour désigner une domination dans le domaine des idées qui reproduit la domination d'une classe au niveau économique et social. Toutes les idées d'une époque, dit-il, dans la sphère politique, dans l'État, dans le droit, dans les institutions, dans la religion, sont adossées à la vision du monde de la classe dominante de l'époque. Et ce, même quand on croit être intellectuellement libre, voire parler franchement contre les intérêts de la classe dominante. L'idéologie évoque donc un biais sournois intérieur, une non-souveraineté de la pensée. D'ailleurs, c'est lorsque la classe dominante change que les idées générales changent, sans même qu'on s'en rende compte. Peut-on combattre alors l'idéologie autrement qu'en renversant par une révolution la classe dominante ? Lorsque l'idéologie est bien en place, est-ce qu'une théorie, un intellectuel peuvent s'en extraire ? C'est une question très difficile que Marx nous a léguée. Bonjour Isabelle Garot. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes philosophe, vous avez écrit notamment Marx, une critique de la philosophie qui vient d'être rééditée aux éditions sociales en 2023 et aussi l'idéologie ou la pensée embarquée parue aux éditions La Fabrique en 2009. Et bonjour Guillaume Fondu. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes en duplex avec nous depuis France Bleu Orléans. Nous remercions d'ailleurs les équipes de France Bleu Orléans pour ce duplex. Vous avez contribué, Guillaume Fondu, vous contribuez toujours aux éditions sociales à la nouvelle traduction de l'œuvre de Marx qui est en cours. Et vous avez aussi traduit le penseur marxiste du XXe siècle, Georg Lukács. Vous vous apprêtez à publier aux éditions du CNRS un livre intitulé « La naissance du marxisme ». Commençons notre analyse ce matin du concept d'idéologie chez Marx par sa rencontre avec Friedrich Engels à Paris. Je n'avais encore jamais rien lu d'aussi précis et à ce point saisissant. Vous avez remis la dialectique hegelienne sur ses pieds. J'ai 24 ans et vous n'êtes guère plus vieux. Vous êtes le plus grand penseur matérialiste de notre époque. Vous êtes un génie, mon cher. Un génie. Cette étude-là, du prolétariat anglais. La situation de la classe ouvrière en Angleterre, oui. C'est de moi. Vous pardonnerez ma franchise. Dites. Je peux tout entendre. C'est un travail de premier ordre. Personne n'avait fait ça avant vous. Je n'ai qu'un mot. C'est colossal. Votre connaissance du monde ouvrier surpasse tout ce que j'ai jamais vu. Manchester, les taudis, les manufactures. Vous êtes au fait les plus misérables comme des sphères les plus influentes de la bourgeoisie. Comment faites-vous ? J'avoue que je suis embarrassé de vous le dire. Je suis le fondé de pouvoir de mon père. Il possède 3 filatures là-bas avec son associé. Et une douzaine d'autres à Barnum. Je vois, mais les autres ? Les bas-fonds ouvriers, oui. C'est une autre histoire. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un extrait du film Le jeune Karl Marx de... Oui, Le jeune Marx de Raoul Peck, qui est ce film dont nous avons déjà parlé hier, de 2017, qui évoque l'itinéraire de Marx, en tout cas surtout du jeune Marx. Et là, vous entendez une scène où il rencontre Friedrich Engels en 1844 à Paris. Et il c'est une très très grande amitié qui va naître là. Friedrich Engels, il ne l'avait pas connu en Allemagne, mais il le connaît par la publication Les Annales franco-allemandes de 1844, dont nous avons parlé hier. Volume où Marx fait paraître deux textes en 1844 et Friedrich Engels, un texte d'étude de la classe ouvrière britannique. Il la connaît bien, comme on l'entend dans l'extrait. Son père est un industriel et donc il évoque vraiment la situation de la classe ouvrière britannique. Isabelle Garraud, ça change Marx des élucubrations philosophiques de ses anciens copains, les jeunes hegéliens. C'est pour ça qu'il l'admire, parce que c'est concret. Oui, alors c'est une rencontre importante, hein, comme vous l'avez rappelé. Engels et Marx parviennent par des chemins un peu différents à une même option communiste. Ils vont utiliser ce terme à partir de cette époque. Engels lui-même appartient à la mouvance hegélienne, dans un premier temps. Et tous les deux ont en commun, avec d'autres d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, avec Heinrich Heine, dont il a été question hier, oui, avec Moses Hess également, ont en commun cette préoccupation de relier les questions sociales et luttes sociales, la transformation politique et les luttes d'idées. À Paris, ils vont se rencontrer, vraiment se rencontrer, et décider de travailler ensemble. Et leurs premiers travaux vont porter justement sur la question idéologique. Engels va compter beaucoup dans la vie de Marx aussi comme un soutien, y compris financier, parce que Marx a beau venir d'un milieu bourgeois, son père était avocat, il a tout quitté et il a épousé finalement Jenny von Westphalen, la fille du baron. C'est ce que tout le monde voulait empêcher, notamment les deux pères, mais le père de génie ne va plus les soutenir financièrement. Il faut savoir que Marx sera très pauvre, surtout quand il partira à Bruxelles après, en 1845, en Belgique. Il va même perdre un enfant de sous-alimentation. C'est important de le préciser, Isabelle Garraud, parce que parfois on croit que Marx est un bourgeois qui a écrit pour le prolétariat. Oui, alors c'est important, et c'est important aussi à un titre théorique qui va justement être au centre de la question idéologique, parce que pour Marx, une des questions qui va se poser et qui va se poser tout au long de sa vie, c'est comment se fait-il que quelqu'un comme lui, comme Engels également, se soit converti aux idées révolutionnaires? Comment se fait-il que d'abord les idées puissent avoir un rôle actif, même si elles ont un rôle limité? Et puis comment se fait-il que des membres de la classe dominante, ou proches en tout cas de cette classe-là, puissent à un moment donné faire sécession. Oui. Ça suppose un contexte révolutionnaire, ça suppose un choix, une décision politique aussi. Et Marx, à cette époque dont on est en train de parler, va avec Engels faire ce choix politique. C'est un engagement de sa part, c'est un engagement dans la théorie, mais c'est un engagement au sens plus contemporain du terme, un engagement politique et social. On va bien sûr revenir sur ce point. Guillaume Fondu, est-ce que vous avez envie de dire certaines choses sur cette période parisienne de Karl Marx? Il faut préciser sur le plan des faits qu'en 1845 il sera chassé par Monsieur Guizot, par le gouvernement français, et c'est là qu'il partira en Belgique. Il refera un saut par l'Allemagne, puis au moment des épisodes révolutionnaires français, il sera de nouveau chassé, et ensuite il partira en Angleterre. Mais il y a beaucoup d'exilés allemands dans les années 1843-44 à Paris. Il fait partie de ce cercle. Il y a beaucoup d'idées socialistes qui sont là, très différent de l'hegélianisme, très peu étatiste. Il y a Proudhon, il y a beaucoup d'idées. C'est un terreau extraordinaire, non, Guillaume Fondu? Alors oui, c'est un terreau extraordinaire, et pour donner un peu de matière concrète à ce que disait Isabelle, c'est aussi en ça que les situations révolutionnaires et leurs conséquences ont des effets sur les intellectuels, c'est que ça permet un brassage social qui est relativement inédit, en tout cas pour Marx, puisque certes, il va croiser des intellectuels eux-mêmes déclassés. Alors, il y a les Allemands, il y a des Français, il y a des Russes également, puisque Bakounine, par exemple, est présent également. Oui. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des militants ouvriers français, ce qui, en plus de l'œuvre d'Engels, permet à Marx de se familiariser avec des milieux auxquels il ne s'était pas forcément confronté dans sa jeunesse, du fait de son ascendance sociale extrêmement bourgeoise. Voilà, c'est ce brassage-là qui donne corps à l'idée que les révolutions manquées, les exils, etc., permettent un brassage social relativement inédit. Vous savez que Walter Benjamin, philosophe du XXe siècle, disait que Paris avait été la capitale du XIXe siècle. C'est un peu vrai, hein, quand on regarde ces années-là, ces années 1840. En tout cas, il y a de quoi pour Marx, avec les connaissances très concrètes de la classe ouvrière en France, mais aussi et surtout en Angleterre, grâce à son ami Friedrich Engels. Il y a vraiment de quoi quitter les mots très, très abstraits, ce qu'il appellera plus tard la phraséologie de Hegel, qui était pourtant son premier ancrage théorique. Guillaume Fondu. Oui, effectivement, il y a de quoi quitter cette phraséologie. Il y a de quoi également commencer à se familiariser avec, alors sans qu'il soit question non plus d'abandonner complètement la théorie, il y a de quoi se familiariser avec la science contemporaine qui traite des réalités sociales qui vont de plus en plus intéresser Marx, à savoir l'économie politique. Oui. Et là encore, Engels joue un rôle de passeur, puisque l'un des premiers textes que Engels avait rédigé, c'était déjà une critique de l'économie politique qui va intéresser Marx et qui va faire partie des facteurs qui vont amener Marx à se pencher sur une discipline qui ne le quittera plus et à laquelle il consacrera la plupart de ses écrits, mais plutôt à partir des années 1850, à savoir l'économie politique. Donc tout ça pour dire parfois, c'est difficile à comprendre cet adjectif. L'économie politique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'économie politique, c'est tout simplement, alors ça c'est lié à l'histoire de la discipline qui tient au fait que pendant très longtemps, on opposait économie et politique, la première étant une science des affaires privées, disons, la politique étant le domaine de l'État, et l'économie politique témoigne du fait que l'économie en général, c'est-à-dire la science de la gestion des finances, pour le dire très vite, va s'élargir à des domaines qui autrefois n'étaient pas de son fait, et notamment l'État. Politique donc va prendre petit à petit un autre sens, puisque par économie politique on va de plus en plus entendre, mais notamment à la suite de Marx, une économie qui prend en compte le facteur politique et qui notamment est fondée sur la tripartition de la société en trois classes aux intérêts antagoniques, la classe des salariés, la classe des propriétaires fonciers et la classe des bourgeois, les uns et les autres étant définis par la manière dont ils tirent leurs revenus de l'activité économique. Isabelle Garraud, le fait de parler d'économie politique ne souligne-t-il pas que autour de l'appareil de production économique, pour parler comme Marx, il y a du conflit, c'est ça la lutte de classe, hein, la définition qu'il donnera un peu plus tard, en 1859, on va y revenir, c'est la contradiction entre des forces productives qui font marcher l'appareil de production et puis les rapports de production, notamment de propriété. Ceux qui possèdent l'appareil de production ne sont pas ceux qui le font fonctionner. Et donc là, il y a une tension, une lutte de classe. Est-ce que c'est cela qui est politique, en tout cas, qui détermine tout politiquement dans la société, y compris, disons, l'organisation de l'État, des idées, le fait qu'ils disent économie politique, est-ce que c'est à cela que ça renvoie? Oui, tout à fait. Alors, on peut ajouter d'ailleurs un troisième terme à ces deux-là d'économie et de politique, c'est le terme de critique. Parce que Marx va sous-titrer à peu près l'ensemble de ses textes, ou les intituler d'ailleurs directement critique de l'économie politique. Alors cette critique de l'économie politique, elle consiste, comme vous venez de le dire, à penser les choses en termes de conflits et de contradictions, ce qui est un héritage hegelien, pour le coup, mais à penser des contradictions concrètes, des contradictions qui, dans le monde social, vont mettre en contact donc des classes différentes, Guillaume vient de le dire, et aussi, dès les années 1845, dans sa relation avec Engels, ce que Marx et Engels vont commencer à concevoir ensemble, c'est cette idée de mode de production qui est animé par des forces productives. Alors c'est un vocabulaire spécialisé qu'ils élaborent à cette occasion. Ces forces productives et les rapports de production qui leur correspondent vont à chaque époque historique désigner des étapes, des grandes périodes de l'organisation humaine, de la vie sociale. Et ce qui frappe Marx et Engels, c'est que toutes ces époques sont caractérisées par du conflit. Pas seulement du conflit social, mais bien évidemment du conflit social, des luttes de classe. Oui. Et c'est au niveau de ces luttes de classe qu'il va y avoir également des luttes d'idées. D'où l'importance de la notion d'idéologie et d'où son rapport, le caractère inséparable de cette notion, avec l'ensemble de l'édifice qui est en train de se construire, à savoir donc cette critique de l'économie politique. Guillaume Fondu, qu'est-ce que c'est ce gros livre qui ne sera pas publié du vivant de Marx, l'idéologie allemande, qu'il a donc écrit à Paris avec Friedrich Engels vers 1845? Comment vous comment vous allez caractériser cette démarche d'écriture théorique qui est celle d'Engels et de Marx à ce moment-là? Alors, je parle sous le contrôle d'Isabelle qui connaît ça mieux que moi, mais il me semble que Marx a défini l'entreprise un peu plus tard comme étant une manière pour lui de régler ses comptes avec sa conscience philosophique d'autrefois. C'est-à-dire que c'est une manière pour Marx de se débarrasser lui-même d'un certain nombre de scories idéalistes qu'il pouvait y avoir dans sa propre pensée, en s'attaquant aux intellectuels auxquels il se confrontait, et en montrant chez eux toute la part d'idéalisme qui est présente, c'est-à-dire le fait que il magnifie, pour le coup, il donne un statut beaucoup trop grand aux idées, et inversement, c'est une manière pour Marx de mettre l'accent sur ce qui lui semble essentiel et qui va lui sembler de plus en plus essentiel, à savoir le fait que une société, c'est avant tout de l'activité sociale, des êtres humains qui produisent et reproduisent leurs propres conditions d'existence en commun, et que les idées n'apparaissent que sur cette base-là, et que par conséquent, pour le dire très très vite, la révolution véritable ne sera pas une révolution des idées, mais une révolution dans les manières de produire et dans la partition de la société en groupes sociaux, dans une refonte finalement des classes sociales, voire une disparition des classes sociales qui permettait la structuration de cette production et reproduction collective. Donc je pense qu'il y a deux versants, voilà, un versant disons critique de l'idéologie spontanée des intellectuels d'une part, et un versant positif scientifique qui est cette découverte et cette première étude de la production et de la reproduction des conditions sociales de possibilité de toute vie humaine. Bon, je crois qu'il faut qu'on décrypte tout ce que vous dites là, c'est assez compliqué. Donc je vous propose qu'on revienne, c'est assez compliqué, hein. Je trouve il faut qu'on précise ce que ça veut dire idéologie pour nos auditeurs qui ne seraient pas du tout au fait du vocabulaire marxiste. On va essayer de préciser à peu près tout ce que vous avez dit, Guillaume Fondu. Alors, il y a un texte qui est très utile, c'est la préface de 1859 par Marx à son livre qui, à l'époque, s'appelait « La contribution à la critique de l'économie politique ». En fait, c'est ce livre-là qui, dans sa deuxième livraison, va s'amplifier et dans sa deuxième livraison s'intitulera « Le capital ». Mais en 1859, Marx appelle encore cette entreprise dont il publie une première livraison, Contribution à la critique de l'économie politique, ce qui deviendra ensuite le sous-titre du Capital. Dans cette préface de 1859, ce qui est très commode, c'est que Marx revient sur son propre itinéraire et sur ses années à Paris, en 1844-45, où il a rencontré Engels et où ils ont écrit ce livre, L'idéologie allemande. Je vous propose d'écouter un extrait donc, de cette préface avec des notations autobiographiques de Marx. Le premier travail que j'entrepris pour dissiper les doutes qui m'assaillaient fut une révision critique de la philosophie du droit de Hegel, un travail dont l'introduction parut dans les Annales franco-allemandes, éditées à Paris en 1844. Ma recherche aboutit au résultat suivant. Les rapports juridiques, pas plus que les formes étatiques, ne doivent être saisis par eux-mêmes, ni par ce qu'on nomme le développement général de l'esprit humain, mais trouvent au contraire leurs racines dans les rapports matériels qui conditionnent la vie et dont Hegel résume l'ensemble, à la suite des Anglais et des Français du XVIIIe siècle, sous le nom de société civile bourgeoise. Et l'anatomie de cette société civile bourgeoise doit être cherchée dans l'économie politique. Cette recherche que j'avais commencée à Paris, je la poursuivis à Bruxelles, où j'avais émigré à la suite d'un arrêté d'expulsion de M. Guizot. Le résultat général auquel je parvins, et qui, une fois acquis, servi de fil conducteur à mes études, peut être brièvement formulé ainsi. Dans la production sociale de leur vie, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires et indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un stade de développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base réelle, sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais inversement leur être social qui détermine leur conscience. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Extrait de la préface de Marx de 1859 à son livre contribution à la critique de l'économie politique dans la traduction de Guillaume Fondu et de Jean Quétier. Guillaume Fondu qui est avec nous ce matin, ainsi qu'Isabelle Garot. Nous allons essayer de cerner le concept d'idéologie assez complexe chez Marx. Pour ce faire, je vous propose de définir d'abord deux termes qui sont dans le texte. Superstructure et base économique, parfois appelée aussi par Marx, infrastructure. Qu'est-ce que c'est infrastructure et superstructure, Isabelle Garot, dans une société ? Oui, alors Marx, dans ce texte, résume le travail qu'il a entrepris avec Engels dans les années 1845. C'est un résumé qui tend à durcir un peu en résultat. Oui, mais pédagogiquement, ça va nous faire du bien. Hein. Tout à fait, mais ce résumé passe très vite sur à une phase d'élaboration, de discussion entre eux et sur la complexité de cette approche. Alors effectivement, Marx distingue une base et une superstructure. La base, à la différence de ce qu'on a pensé jusque-là comme étant l'origine des idées, à savoir des penseurs qui créeraient des idées à partir d'eux-mêmes, à partir de leur propre esprit. Marx va insister, et ça vaut comme autocritique ce qu'il a été question hier, ce dont il a été question hier, à savoir son propre itinéraire de jeune hégélien. Ici, là, il a une démarche critique pour essayer de savoir à la fois pourquoi cette illusion d'une naissance des idées dans l'esprit des penseurs et des théoriciens, et puis ce que sont ces idées, en fait, ce qui est les causes, ce qui les conditionne, dit-il dans ce texte. Alors, ce conditionnement, c'est pas une détermination absolue, mais pour lui, justement, c'est du côté des rapports réels, du côté de la façon dont les hommes vivent, produisent, travaillent, qu'on va trouver l'origine de ces représentations qui accompagnent toujours, dans toute société, les idées accompagnent l'action, accompagnent les activités sociales dans leur ensemble. Est-ce qu'on pourrait dire les choses peut-être encore plus précisément, en avançant, je veux dire, il y a de la domination dans la base économique, il y a une classe dominante et des classes dominées, c'est ce que pense Marx à présent dans son itinéraire. Et la superstructure, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'État, les institutions, les idées, le droit, la religion, les mentalités, tout cela porte la trace de cette domination d'une classe dominante. De quelle façon ? Quelle est la trace dans la superstructure, c'est tout ce que je viens de nommer, de cette domination économique d'une classe sur les autres ? Eh bien, cette trace, plus encore d'ailleurs que cette trace, et c'est la notion d'idéologie qui va essayer de préciser un petit peu la fonction des idées. Oui. Cette fonction des idées, elle tient au fait que toute classe dominante a besoin à un moment donné de légitimer sa domination et de présenter sur le mode de valeur universelle, par exemple, ce qui est en réalité la défense des intérêts particuliers dont elle est porteuse. Donc ce travail-là, c'est un travail qui est délégué à une catégorie sociale, à une sous-catégorie qui n'est pas véritablement une classe, qui sont les penseurs dominants. Et cela dit, même les personnes dominées, dans ce qu'ils peuvent imaginer, les idées que toutes ces personnes peuvent avoir, les idées qui circulent, est-ce que Marx ne dit pas assez clairement, en 1859 en tout cas, que c'est marqué par la vision du monde de la classe dominante ? Autrement dit, c'est une sorte de biais dans la pensée qui vaut pour tout le monde. C'est très difficile de penser hors de la vision du monde de la classe dominante. C'est ça, n'est-ce pas, Isabelle Garot ? Effectivement, puisqu'il y a une lutte de classe, il y a une lutte d'idées qui est marquée par une dissymétrie. Dans les luttes de classe, il y a des classes dominantes qui dominent les autres, et dans les idées, il y a des idées dominantes qui dominent les autres. Mais dans les deux cas, et c'est cela que la notion d'idéologie essaye de dire, au-delà même de ce que ce texte d'ailleurs rappelle, hein, ce rapport entre une base et une superstructure, ce que Marx essaye de montrer, c'est que les contradictions de la base se retrouvent dans la superstructure. Oui. Donc il y a dissymétrie, il y a un rapport de force, et en même temps, il y a une certaine latitude pour les idées dominées, plus exactement pour les dominés, de développer une représentation du monde qui sera la leur. Par exemple, des projets sociaux et politiques différents de ceux que leur proposent les classes dominantes. Mais quand même, ça pèse, je veux dire, sur la pensée. Ça pèse, bien évidemment. Si la classe dominante est très bien installée, bah Guillaume Fondu, peut-être à vous de nous proposer votre éclairage. Si la classe dominante est très bien installée sur le plan de ce qu'il appelle l'infrastructure, la base économique, toute la superstructure, ce monde d'idées politiques, juridiques, religieuses, etc., tout ce monde-là est quand même extrêmement installé dans la vision du monde de la classe dominante. C'est bien ça ? Alors oui, c'est bien ça, à ceci près que Marx insiste très souvent sur la difficulté de dériver concrètement la superstructure de l'infrastructure, pour le dire très vite. Je prendrai simplement un exemple sur lequel on reviendra peut-être. Pour ce qui est de l'économie politique, par exemple, Marx montre dans plusieurs de ses travaux que l'économie politique telle qu'elle s'écrit chez Ricardo ou chez Smith est une économie qui magnifie le rôle de... Alors aujourd'hui, on dirait l'entrepreneur, mais disons à l'époque, on parlerait de capitaliste, de bourgeois ou de patron, en montrant qu'il s'agit du véritable sujet de l'histoire, c'est-à-dire la personne qui va être facteur de l'amélioration technique, facteur de l'amélioration de la production, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à la lettre chez Smith et chez Ricardo, aussi bien contre les salariés, en un certain sens, que contre les rentiers. Et Marx va montrer que on a affaire ici à une forme, pour le coup, d'idéologie, c'est-à-dire de travestissement d'un intérêt privé, celui de l'entrepreneur, en intérêt universel, en faisant le champion de l'augmentation générale du bien-être pour tous à travers l'idée d'augmentation de la production. Donc vous voulez dire, juste pour qu'on comprenne, je suis désolée parce que c'est difficile, je suis désolée, je vais vous demander de préciser, parce que je vais vous dire sur quel point, parce que je crois que c'est pas très simple à comprendre. En fait, les intellectuels, les économistes, ils pensent faire de la science en étant en quelque sorte partie prenante de personnes, enfin je veux dire, ils pensent vraiment juste penser par eux-mêmes, la société, par leurs idées. Mais ce que Marx dit, c'est qu'en réalité, et sans forcément s'en rendre compte, il répète la vision de la classe dominante. Donc Smith, Ricardo, etc. Oui, bien sûr, ils pensaient épistémologiquement, comme on dit, être dans de la simple connaissance. Mais en réalité, dit Marx, est-ce que c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure, Guillaume Fondu ? En réalité, et à leur insu, ils déploient la vision du monde de la classe dominante bourgeoise. Est-ce que c'est ça ? Alors, ce que je voulais dire, alors c'est, en fait, c'est ambigu chez Marx parce qu'il y a une part de vérité là-dedans. Ricardo et Smith, Marx le dira plus tard, sont relativement lucides sur un certain nombre de points, et notamment sur le fait que les intérêts économiques du salariat, de la bourgeoisie et des rentiers sont antagoniques. Que le partage, en gros, du produit de la production économique se fait selon un jeu à somme nulle, où par conséquent, ce que les uns ont, les autres ne l'ont pas. Et ce que rajoutent Ricardo et Smith à cela, c'est le fait que si on veut le développement général de la société, il faut faire en sorte que les profits soient importants. En réalité, c'est une idée qu'on retrouve aujourd'hui, qui est l'idée que les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire tout simplement que la bourgeoisie doit s'accaparer la partie la plus importante du revenu social, tout simplement parce que c'est elle qui le réinvestit. Contrairement aux salariés et aux rentiers qui ne font que consommer, la bourgeoisie a un rôle historique qui est celui de développer les forces productives. Et donc là, on a, pour le coup, le travestissement d'intérêts particuliers sous un déguisement universel, puisque encore une fois on a tout simplement la légitimation du fait que les profits doivent être le plus élevés possible par opposition aux rentes et surtout aux salaires. D'accord. Alors en réalité, nous dit Marx dans le texte que nous avons lu de la préface de 1859 à un autre ouvrage, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est leur être social qui détermine leur conscience. Autrement dit, nous avons les idées de notre époque et nous avons les idées fondamentalement de la classe économiquement dominante, y compris à notre insu, n'est-ce pas, Isabelle Garraud, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un peu de marge, si la classe dominante commence à être renversée économiquement, comme par hasard, de nouvelles idées vont surgir. Oui, alors Marx, dans l'idéologie allemande, explique que les idées sont le langage de la vie réelle, dit-il. Comme la vie réelle est traversée, tissée de contradictions, ce langage est lui-même marqué par des contradictions. Et la notion d'idéologie, alors c'est cela qui est intéressant aussi et que le texte de 1859 ne restitue pas tout à fait, c'est que dans un premier temps, Marx et Engels utilisent cette notion pour critiquer leurs camarades jeunes hegeliens, de façon un peu pointilliste d'ailleurs, c'est un gros livre qui est extrêmement polémique, et ils s'autocritiquent par la même occasion en tant que philosophe. Et puis, alors Guillaume vient d'en parler, la focale va se déplacer vers l'économie politique. Et là, la critique va changer. Parce qu'en fait, autant les jeunes philosophes qu'ils étaient et qu'ils ont fréquentés croient à la domination pure des idées et croient que les idées sortent de leur cerveau, autant l'économie politique est dans une situation un petit peu différente. Et Marx va effectivement accorder que cette économie politique, à la fois, elle développe des idées universelles de façon trompeuse, elle a comme particularité aussi de faire ce que fait toute idéologie, c'est-à-dire de naturaliser et d'éterniser des relations sociales. Le capitalisme existera toujours, il est ancré dans des tempéraments individuels d'entrepreneurs ou de gens plus passifs, etc. Et puis ces représentations, par ailleurs, vont de pair avec une vraie science. Et là, la notion d'idéologie pose quelque peu problème à Marx. puisque cette notion, il faut l'entendre aussi comme la prise en compte d'une capacité des idées dominantes à dire ce qu'est le monde réel. Alors revenons à l'idéologie. Je vous propose d'écouter un extrait maintenant de l'idéologie allemande, donc qui n'a pas été publié. Plus tard, Marx dira dans le texte de 1859 qu'il a abandonné ce gros livre à la critique rongeuse des souris, donc dans son grenier, mais d'autant plus volontiers que, dit-il, nous avions atteint notre but principal, voire clair en nous-mêmes, ce qui veut dire que c'est pas vraiment un reniement, d'une certaine façon, c'est même une confirmation que ce texte était important pour eux et le demeure, Marx et Engels. On écoute un extrait donc de l'idéologie allemande dans la traduction de Maximilien Rubel. À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps, de ce fait, des moyens de la production intellectuelle, si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Les pensées dominantes ne sont rien d'autre que l'expression en idées des conditions matérielles dominantes. Ce sont ces conditions conçues comme idées, donc l'expression des rapports sociaux, qui font justement d'une seule classe la classe dominante. En somme, les idées mêmes de sa suprématie. C'est une illusion de croire que les idées dominantes ne sont pas les idées des classes dominantes, et qu'elles ont une puissance indépendante du pouvoir de cette classe. Cette illusion s'évanouit naturellement dès que la domination d'une classe déterminée cesse définitivement d'être la forme de l'ordre social, donc dès qu'il n'est plus nécessaire de présenter un intérêt particulier qui domine tous les autres comme étant l'intérêt général. Nous parlons du concept d'idéologie de Marx ce matin en compagnie d'Isabelle Garot et de Guillaume Fondu. Nous venons de lire un extrait de l'idéologie allemande et qui est un gros volume écrit avec Engels, Friedrich Engels à Paris par Marx en 1845. C'est un texte qui règle beaucoup de comptes avec la phraséologie des intellectuels qui ne l'intéressent plus et qui étaient pourtant ses anciens amis et la philosophie allemande. Mais c'est aussi un texte où il précise qu'il entend par idéologie, c'est-à-dire, dit-il, le fait qu'il y a une domination dans l'ordre des idées et que même quand on croit penser librement, on est volontiers pris, on est même nécessairement pris dans la vision du monde de la classe économiquement dominante. Il y aurait donc une façon pour Marx, Isabelle Garot, de broyer, comme il le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, l'illusion, une illusion typique des intellectuels et des philosophes, qui est qu'ils ont les idées qu'ils ont, parce qu'ils les ont créées eux-mêmes, et même, en général, ils pensent que ces idées mènent le monde, sans voir que c'est exactement le contraire. Ils ont les idées que leur époque leur permet d'avoir. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment fondamental dans la notion d'idéologie. Marx va expliquer cette illusion, justement revenant à cette base dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi les intellectuels se font-ils des idées sur leur propre autonomie? L'explication que va donner Marx, elle se situe pas au niveau des idées, elle se situe en dessous. Donc dans cette fameuse base, à savoir la division du travail, il y a des intellectuels spécialisés qui s'occupent à temps plein des idées, et puis il y a des producteurs qui, eux, ne s'occupent pas des idées. Alors d'une part, on peut dire que c'est une formidable dépossession, parce que certains spécialisés dans ces questions vont faire le travail, si l'on peut dire, à la place des autres, et interdire l'accès aux idées, ou sembler en tout cas interdire cet accès à ceux qui sont censés ne pas penser. Hier, il était question des tisserands silésiens, de la révolte des tisserands silésiens, et Marx a affirmé à cette occasion justement que le peuple était capable de penser. Oui, c'est pour ça que j'entends bien qu'il y a des intellectuels spécialisés, mais le problème de l'idéologie me paraît dépasser cette question. C'est un problème pour tous les cerveaux. Même quand on croit être un dominé qui rouspète contre la classe dominante, même quand on croit être libre de penser hors de la classe dominante, ce que nous dit Marx, c'est une révolution. Vous l'avez dit vous-même dans le titre de votre livre, c'est il met en crise la philosophie, il met en crise la pensée. En réalité, on subit beaucoup plus qu'on ne le croit les intérêts de la classe dominante. Oui, tout à fait, mais c'est pour cela qu'il y a une lutte d'idées et qu'il peut y avoir une lutte d'idées. Si la situation est complètement bloquée, si les idées dominantes dominent à 100%, alors il n'y a pas de marge de manœuvre et la possibilité même d'écrire l'idéologie allemande et d'écrire l'ensemble des autres textes n'est pas possible. Pour Marx, les idées révolutionnaires à son époque existent. Il faut peut-être aussi rappeler qu'on est dans une période qui précède l'explosion de 1848. On sent monter cette révolution de 1848 et c'est cette situation politique, sociale de crise qui explique la possibilité de développer non seulement des idées alternatives et critiques, mais de développer des organisations ouvrières. Les deux, pour Marx, sont de pair. Donc Guillaume Fondu, si Marx est possible, c'est-à-dire une idée qui non seulement est alternative vraiment à l'idée de la classe bourgeoise dominante de son temps, si Marx est possible, au sens où Marx voit l'idéologie alors que les gens qui sont dans l'idéologie précisément ne la voient pas, ne voient pas son fonctionnement sur eux-mêmes, c'est parce qu'il y a dans la base économique une classe qui monte, qui est en train de renverser la bourgeoisie. Il y a quelque chose qui se passe au niveau matériel, puisque, comme nous le savons, Marx a toujours dit qu'il n'y a pas d'idée révolutionnaire sans une base révolutionnaire. Donc, lui-même n'est possible, Guillaume Fondu, que parce qu'il y a un soubassement, une classe nouvelle qui est en train de contester la bourgeoisie. Alors oui, tout à fait. Pour reprendre ce que disait Isabelle, il me semble que dans l'idéologie allemande, une des critiques que fait Marx des jeunes hegeliens et de ceux qui sont autour, c'est une idée qui, pour le coup, est une idée à ses yeux bourgeoise, qui est l'idée de la liberté individuelle, qui est mise en avant contre toutes les formes d'inconscience, contre toutes les formes d'enfermement dans des collectifs. C'est le cas, par exemple, chez un auteur qui est critiqué dans l'idéologie allemande, à savoir Max Stirner. Et ça fait partie concrètement des choses voilà par lesquelles Marx reproche aux intellectuels de reprendre en réalité des idéaux qui sont des idéaux de la classe dominante, la liberté individuelle, qui sont en réalité des idéaux qui sont liés à leur situation de dans la division du travail. Et ce que vous dites est d'autant plus vrai que à cet idéal de liberté individuelle, Marx va petit à petit opposer des idéaux de coopération qui sont évidemment ceux de la classe ouvrière montante, ceux qu'il découvre dans les collectifs ouvriers qu'il va se mettre à fréquenter. Et là, pour le coup, voilà, on a un exemple concret de ce que ça veut dire de penser dans les limites, entre guillemets, assignées par la pensée dominante. Et je pense que cette liberté individuelle, alors définie d'une certaine manière, peu importe, mais cet exemple d'opposition entre l'idéal de la liberté individuelle d'un côté et l'idéal d'une forme de liberté collective de l'autre, ça fait partie de cette lutte entre idées qu'on retrouvera de manière massive après dans la critique de l'économie politique et dans une notion qu'on retrouvera peut-être plus tard, qui est celle du fétichisme. Isabelle Garraud, dans l'idéologie allemande, Marx et Engels utilisent une métaphore. Ils disent que ceux qui sont vraiment dans l'idéologie et dans l'illusion qu'elle engendre, eux, ils croient qu'ils n'y sont pas, c'est exactement ça. Au fond, il se passe avec eux quelque chose qui ressemble à la caméra oscura, à la chambre obscure d'un appareil photographique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il dit là ? Oui, alors c'est une métaphore importante qu'il va développer à cette occasion. La chambre noire est l'ancêtre de l'appareil photo. Hein. La chambre noire inverse une image qui provient de la réalité, qui est formée, disons, à partir de la réalité, donc qui n'est pas gratuite, qui n'est pas une pure illusion. Cette image inversée, pour Marx, elle correspond assez bien à ce qu'il essaye de dire par la notion d'idéologie. C'est-à-dire que la notion d'idéologie renvoie à une base, on l'a dit longuement, mais en même temps donne une conception fausse et inversée de cette base. Alors pourquoi inversée ? Et c'est là qu'on touche à ce qui est le contenu même de ces idées. On a beaucoup parlé de la forme idéologique, mais le contenu même de ces idées, eh bien c'est, pour Marx, pour le dire un peu rapidement, hein, le fait que dans le capitalisme, les hommes, le travail humain est entièrement asservi au dégagement du profit, plus exactement de la plus-value, comme il le dit, comme il le dira un petit peu plus tard. Et on est dans un monde à l'envers. Donc c'est pas simplement les idées qui sont à l'envers, c'est le monde qui est à l'envers. Et ce monde à l'envers qui met la satisfaction des besoins humains au second plan et qui fait de l'accumulation du capital une priorité, ce monde à l'envers engendre des idées à l'envers. Ah, c'est ça que vous entendez, vous, que c'est l'accumulation du capital. Moi, ce que je croyais comprendre dans cette métaphore, c'est que pour les philosophes allemands, qu'ils dénoncent, typiques idéologues, ils pensent que les idées mènent le monde, alors que pour Marx, c'est le monde qui mène les idées. Ils ne voient donc pas le vrai sens, la vraie direction. Et le fait qu'ils mettent dans l'autre sens les choses, c'est-à-dire qui croient que les idées mènent le monde alors que c'est l'inverse, signifie précisément qu'ils sont dans l'idéologie. Est-ce que ça vous va comme explication de la caméra? Oui, bien sûr, ça me semble pas du tout incompatible. Oui. Marx est en train de transiter justement à ce moment-là entre une critique de la philosophie qui cible ses anciens camarades et puis une critique qui est en train de s'élargir à la question de l'économie politique dont on a parlé. Et l'idéologie allemande, c'est un ouvrage qui va non seulement utiliser pour la première fois la notion d'idéologie, mais pour la première fois parler de division du travail, parler de mode de production, parler de forces productives. Donc il est en train de raccorder à cette inversion du monde capitaliste, l'inversion des idées. Et c'est ce processus-là, c'est ce travail théorique qui amène Marx à dire « bon ben voilà, on va pas publier le livre parce qu'on en a fini avec cette critique et maintenant il faut la relancer sur un autre plan qui va être la critique de l'économie politique ». D'accord. Et le déplacement se fait dans l'idéologie allemande, justement. Alors si c'est le monde qui crée les idées, si c'est la société et l'état du rapport entre les classes qui produit le type d'idée d'une époque, alors évidemment, il faut revenir à ce problème, comment une idée révolutionnaire est possible? Comment une idée qui va contre les intérêts de la classe dominante est possible? Cela suggère-t-il que la classe dominante au niveau économique est déjà en train d'être renversée? Pour répondre à ce problème, Marx a des phrases très précises. En 1859, à nouveau, dans sa préface de la critique de la contribution à la critique de l'économie politique, on écoute. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production présents, ou ce qui n'en est qu'une expression juridique, les rapports de propriété, à l'intérieur desquels elles s'étaient mues jusque-là. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports se changent en chaîne pour ces dernières. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Avec la transformation de la base économique fondamentale, se trouve bouleversée plus ou moins rapidement toute l'énorme superstructure. Donc il faut un changement, Guillaume Fondu, au niveau économique, que la classe dominante lâche un peu, qu'elle soit contestée, pour que de nouvelles idées apparaissent au niveau de ce que Marx appellera plus tard, appelle à ce moment-là déjà la superstructure. Il le disait déjà dans l'idéologie allemande avec cette phrase « L'existence d'idées révolutionnaires à une époque déterminée suppose l'existence préalable d'une classe révolutionnaire ». Pouvez-vous, s'il vous plaît, Guillaume Fondu, préciser ce processus ? Oui, alors le processus, très concrètement, il me semble que là, Marx pense à la dissolution de la société d'ordre et à l'émergence de la bourgeoisie sur la scène historique qui a donné lieu ensuite à la Révolution française et aux différentes révolutions qui vont scander le 19e siècle. L'idée, tout simplement, c'est de ramener, conformément au principe de l'idéologie allemande, l'émergence d'idées nouvelles, à savoir, en l'occurrence, par exemple, l'idée d'égalité, l'idée d'universalité des droits, etc., à l'émergence d'une classe nouvelle qui prend petit à petit qui gagne en puissance au sein de la société et qui se met à être l'acteur historique. Voilà, contre l'aristocratie. C'est-à-dire au moment où l'aristocratie est de facto matériellement contestée par la bourgeoisie et même renversée, Révolution française, à ce moment-là, les idées dominantes qui façonnent tous les cerveaux, malgré tout, c'est très dur de s'en extraire, ce sont des idées bourgeoises, égalité, individus, droits des individus, voilà. Etc. Alors qu'avant, c'était d'autres idées, plutôt l'honneur. Des choses comme ça. Donc on a les idées de son temps, ouais. Tout à fait. Alors c'est des processus extrêmement longs. Hein. On peut pas. C'est pas une contemporanéité absolue en termes d'instantanéité. C'est des processus très longs. Mais il y a effectivement cette idée derrière. Et tout ce que fait Marx en réalité, c'est plaquer ce modèle-là sur le modèle de la révolution qui nous fera sortir du monde bourgeois et donc de l'idéologie bourgeoise, en montrant que de même que les idées bourgeoises sont imposées au fur et à mesure de l'émergence de la bourgeoisie comme classe moteur historique, de même les idées de collaboration, de solidarité, d'économie planifiée, peut-être on en reparlera, mais tendent à s'imposer au fur et à mesure que le prolétariat émerge comme nouveau moteur de l'histoire. Et tout le problème alors, Guillaume Fondu, c'est que, et Marx le dit quand même souvent, il ne voudrait pas que le prolétariat soit juste une nouvelle classe dominante, qui redomine à son tour d'autres classes. Parce que sinon, le prolétariat va avoir son idéologie. Et comme on l'a dit hier, dans un texte de 1844, ce genre de révolution-là, qui ne porte pas atteinte aux mécanismes de la domination, n'ébranle pas les piliers de la maison. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus de classe. Et donc, c'est la seule condition pour qu'il n'y ait plus d'idéologie. Pourquoi est-il si sûr qu'avec la victoire du prolétariat, il n'y aura plus de classe dominée, d'autres classes, il n'y aura plus tout ce système, base économique, superstructure, il n'y aura plus d'idéologie, il y aura donc quoi? Du travail libre et de la pensée libre, Isabelle Garot? Le but, effectivement, c'est de faire disparaître des rapports de classe, des rapports conflictuels, et de mettre en place, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un système de production, Guillaume parlait de planification, où l'organisation même de la production, dans le détail de ses formes, et puis dans les buts qui sont les siens, dans cette organisation, sera l'objet d'une réflexion collective, donc d'une pensée qui sera redistribuée parmi tous les acteurs sociaux, d'une part, et puis d'autre part, qui visera une égalité réelle. Alors, on parlait d'égalité à l'instant, je crois que c'est important parce que ça donne un peu de sens concret à ce qu'on dit sur la notion d'idéologie. L'idée d'égalité, elle émerge effectivement, elle est portée par une bourgeoisie qui va promouvoir l'égalité juridique, l'égalité des droits, mais pas l'égalité sociale. Et là, on a typiquement un exemple d'idée dominante qui est intrinsèquement porteuse d'un idéal qui la dépasse, l'idée d'égalité sociale, par exemple, dont va s'emparer le mouvement ouvrier à cette époque et jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit bien que le débat d'idées, il est porteur de ces contradictions qui existent dans la sphère sociale, y compris dans la sphère économique. Et il n'y aura plus alors, quand le prolétariat aura renversé la bourgeoisie, il est sûr, Marx, et pourquoi, s'il l'est, qu'il n'y aura pas une autre classe dominée après lui? Alors, l'analyse de Marx, c'est une analyse en termes de classe, vous avez tout à fait raison, mais c'est aussi une analyse en termes de mode de production. Donc, renverser une classe par une autre classe, c'est pas mettre en selle une nouvelle classe qui exercerait sa domination, c'est bouleverser la façon de produire et d'organiser la vie sociale. Et pour Marx, la perspective en tout cas que lui défend, c'est l'idée que l'humanité est suffisamment riche aujourd'hui pour mettre en place une autre façon de produire et d'organiser la vie sociale qui se débarrasse de ces rapports de domination. Donc il ne s'agit pas de faire que le prolétariat domine, il s'agit de faire en réalité que le prolétariat disparaisse. Et la bourgeoisie aussi. Oui, que les classes dans leur conflictualité disparaissent. Pourquoi en est-il si sûr, Guillaume Fondu, à propos de la victoire ultime du prolétariat? Pourquoi Marx ne pense-t-il pas que le prolétariat sera une nouvelle classe dominée, qui deviendra dominante, qui renversera l'idéologie de l'ancienne classe dominante, qui imposera son idéologie et qui l'imposera à de nouvelles classes dominées? Pourquoi ça ne se continue pas à l'infini, tout cela? Tout simplement parce que, comme l'a dit Isabelle, Marx pense que le mode de production qui viendra sera un mode de production dans lequel il n'y aura pas de monopole des ressources possibles. Oui. En gros, Marx, dans ses écrits de critique de l'économie politique de l'époque, a un espèce de schéma tripartite où il dit que, en gros, la société d'ordre était une société qui fonctionnait à la monopolisation des ressources statutaires, c'est-à-dire des identités sociales, la noblesse comme statut qui est monopolisé par certaines personnes au détriment d'autres. Marx dit le monde de la bourgeoisie est un monde dans lequel le monopole des ressources se fait via des ressources objectives, matérielles, et notamment la ressource de l'argent et du capital qui donnent le pouvoir sur l'activité sociale. Et Marx nous dit que dans une société planifié, normalement, on fait en sorte d'interdire, de rendre impossible toute monopolisation des ressources. Alors, c'est un pari de la part de Marx, et évidemment, dans la suite de l'histoire du mouvement ouvrier, il y aura beaucoup de réflexions sur de nouvelles ressources potentiellement monopolisables, c'est tout le problème de la bureaucratie, par exemple, mais en tout cas, c'est le pari de Marx, et c'est pas seulement un pari, c'est aussi une invitation à penser un mode de production dans lequel les ressources, aucune ressource ne soit monopolisable, ce qui, effectivement, tendrait potentiellement à introduire une nouvelle classe dominante et donc, de facto, de nouvelles classes dominées. Guillaume Fondu, vous êtes aussi un traducteur de Georg Lukács, qui a écrit notamment en 1923 « Histoire et conscience de classe » et qui suggère que si le prolétariat avance, d'après ce que Marx dit de ce qu'est le prolétariat, eh bien, il mettra à bas le système de la domination économique en faisant sa dernière révolution. Il mettra par terre les représentations fétichistes qui composent en partie ce qu'on a défini ici ce matin comme étant l'idéologie. Cette sorte de connaissance, écrit Lukács, qui n'est que l'idéologie de la classe dominante. Il dit alors qu'on pourra envisager de déchirer ce voile pour arriver à la connaissance historique. Est-ce à dire qu'avec l'ultime révolution, enfin il n'y aura plus d'idéologie, et d'idéologie, il y aura un savoir, une connaissance beaucoup plus complète? Alors, c'est le pari que fait Lukács. Il faut quand même se rappeler que ces propos-là ont été écrits dans une atmosphère d'enthousiasme révolutionnaire un peu délirant, puisque c'est l'Europe des années 20 après la Révolution russe et à un moment où l'Europe s'embrase tout entière. Et effectivement, Lukács considère qu'on est dans un changement d'ère et que le paradigme, c'est-à-dire le modèle qui donnait sens à la connaissance que lui appelle bourgeoise, c'est-à-dire le modèle des sciences de la nature, qui tendent à universaliser et donc à fétichiser à ses yeux des formes de connaissances et des formes d'existence qui en réalité ont une existence déterminée dans l'histoire. Lukács considère que ce modèle-là est amené à disparaître et que ce qui va venir à sa place, c'est une vraie connaissance. Oui. Des modalités concrètes de l'action sociale, de l'action humaine. Et d'ailleurs, ce n'est pas que en science que Lukács théorise ça, puisque ça devrait apparaître dans tous les domaines de la connaissance. Alors, Lukács a fait son autocritique ensuite, et il a été beaucoup critiqué, puisque en réalité, ce qui semble disparaître avec l'avènement de la révolution prolétarienne pour Lukács, c'est tout simplement l'existence d'un monde qui soit en partie irréductible à la pratique humaine, c'est-à-dire un monde qu'il faudrait connaître et non pas transformer. Lukács semble parfois nous dire qu'avec la révolution prolétarienne, en réalité, il n'y aura plus de loi, plus rien, la nature disparaîtra, la nature dans sa dimension contraignante pour l'activité humaine, remplacée par l'histoire, qui est par définition le domaine dans lequel l'activité humaine se donne à voir et produit des effets. Et donc, il y a une forme très messianique de ce texte-là. Oui, et en tout cas, ça montre bien que ce concept d'idéologie, si on suppose qu'un jour il n'y en aura plus, que la dernière révolution mettra fin à tout cela, ben tout cela ouvre énormément de questions. Est-ce qu'on aura enfin de la vraie connaissance quand il n'y aura plus de classe? C'est difficile, c'est très excitant en même temps de réfléchir à cette ouverture. Peut-être est-ce aussi quelque chose qu'on peut trouver d'un peu sous-traité au bout du compte chez Marx. En tout cas, je laisse moi-même la question ouverte pour cette fin d'émission. Take the Power Back, une chanson du groupe qui s'intitule Rage Against the Machine. Et c'est une chanson de 1992. Je vous propose à présent, Guillaume Fondu et Isabelle Garraud, d'écouter Frédéric Worms, qui nous propose donc sa chronique habituelle. Cette semaine, elle est sur le thème de l'actualité. De quoi s'agit-il? Voici le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il s'intéresser au virtuel? On tend parfois à confondre deux notions qui pourtant ont quelque chose de très différent, c'est celle du possible et du virtuel. Bien sûr, le virtuel a quelque chose de commun avec le possible. C'est un type de représentation qui ne désigne pas quelque chose d'effectif dans le monde où nous vivons, dans le monde qui affecte nos corps, le critère de la réalité restant aussi la vie et la mort, ce qui peut nous mener à la disparition ou au contraire nous procurer un plaisir indubitable, un plaisir physique, une part de notre vie. Le réel a donc cette épreuve, ce critère de vérité, ce qui existe dans le monde, ce que nous pouvons vérifier par une expérience. En ce sens, le possible et le virtuel ont tous les deux quelque chose de fictif, quelque chose d'irréel. Ce sont des catégories qui relèvent aussi de la logique, comme disent les philosophes, les catégories de la modalité, des dollars virtuels. Ce n'est pas comme des dollars réels. Je ne peux pas payer mon repas avec des euros virtuels. Je dois les payer effectivement avec des euros réels, avec ce qu'on appelle de la monnaie sonnante et trébuchante. Et il y a des monnaies virtuelles qui d'ailleurs s'écroulent sur nos écrans comme des mondes virtuels, des mondes fictifs, des mondes factices. Et pourtant, cet exemple le dit bien, il y a dans le virtuel quelque chose de plus que simplement une catégorie logique, que simplement une catégorie de l'entendement, un type d'être qui serait dans nos représentations, dans nos fictions. Le virtuel, ça n'est pas seulement le possible. Et de fait, il faut opposer le virtuel non seulement au réel, mais peut-être à l'actuel, à l'actualisation. Peut-être que le réel n'est jamais seulement le contraire du possible, ou même une loterie, un choix qui tomberait un peu par hasard, le réel étant quelque chose comme un choix parmi un ensemble de possibles. Pour Leibniz, par exemple, dans l'entendement divin, il y a tous les mondes possibles, et puis alors il y aurait le monde réel que Dieu choisit parce qu'il est le moins mauvais, parce qu'il est le meilleur des mondes possibles. Le virtuel, c'est autre chose. Le virtuel, ce sont des forces, comme le dit le mot virtus, virtu, qui semble renvoyer aussi à non seulement une possibilité logique, mais une force qui tend à s'actualiser. Le virtuel, de fait, ce sont des réalités possibles qui peuvent s'actualiser, l'actualité, l'actualisation, venant non seulement choisir au hasard parmi des possibles logiques, mais plutôt résultant d'une force de quelque chose qui tend à s'actualiser, qui y arrive ou qui n'y arrive pas. Mais le virtuel étant précisément une réalité qui tend à advenir, qui n'y arrive pas toujours, mais qui a quelque chose de très puissant et d'absolument effectif, qui a un degré de réalité qui affecte nos corps. Ainsi, Gilles Deleuze, s'inspirant de Bergson, montre que notre vie accumule des souvenirs qui sont des forces, qui tendent à s'actualiser, et comme dans l'inconscient freudien aussi, nos actes sont seulement une actualisation parmi des virtualités possibles et très concrètes. C'est pourquoi les mondes virtuels sur nos écrans ne sont pas seulement des fictions. Nous y apprenons à jouer avec le monde, parfois nous les confondons avec le monde, parfois ils vont envahir le réel. Nous devons nous intéresser aux virtuels, parce que l'actualité est parfois, comme on dit, plus vraie que le réel lui-même, parce que le virtuel entre dans le réel, parce que parmi les virtualités, il y a en effet celles qui affectent notre vie négativement, qui peuvent nous détruire, et celles au contraire dans lesquelles il faut puiser pour résister à la destruction. Merci Frédéric Worms et merci Guillaume Fondu et Isabelle Garraud qui nous ont parlé aujourd'hui de l'idéologie chez Marx, son concept. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kera et Daphné Leblond avec à la technique Jérémy Kaufmann. Merci encore aux équipes techniques de France Bleu Orléans pour le duplex. Cette émission a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Louise Labarthe, Chaïma Gibou et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.